Si je veux téléphoner, je décroche le combiné, je compose le numéro. Quand ça décroche, je dis allô. Et pour la télévision, j'appuie sur le gros bouton. Quand l'image est arrivée, je m'assois dans le canapé. Plus de tracas, plus de soucis, tout est moderne et nous sourit. Monde moderne, la technique m'étonne. Plus de tracas, plus de soucis, tout est moderne et nous sourit. Monde moderne, la technique m'étonne. Quand le soir je veux m'amuser, j'ai une jolie fiancée, elle est en plastique gonflable, et en plus elle est lavable. Mais malheureusement pour moi, au beau milieu de nos ébats, s'arrête mon pacemaker.